mikolo bato nyonso obengaka na bibilia ntango tozotala makomi otiaka bilembo na kati na bango mpo te ata opesi moto likabo to opesi moto mayele soki azangi mafuta likolo na ye azali se zero tokomi na mposa tia biso elembo naza na bosenga na elembo soki yo otie moto elembo nala kobeta na mtembe na liloba na yo esenga bondelaki yo ndenge nini o po te akoma elembo yesu masiya akomi koko ya mokili ya weo salanga elembo nzambe na nga nakoma elembo nzambe na nga nabelela yo lolenge nini ngai naleli masiya o nalingi nakoma elembo na yo Sachez que nous sommes des signes et des présages pour notre génération. Et vous portez sur votre corps la marque de Jésus. les attends ya mafuta, la chose de Dieu dans ta vie, ça fait la différence.